Donc, notre galaxie et sa voisine, la galaxie d'Andromède, ne seraient pas des exceptions. On pouvait quand même s'y attendre. Il n'y avait aucune raison pour que ces deux galaxies soient spécifiques quant à la rotation de leurs galaxies satellites. Je vous avais relaté l'observation de l'existence d'une sorte de plan de rotation des galaxies naines autour de la galaxie d'Andromède en janvier 2013. Et il faut dire que cette nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans les grands médias, au-delà des journaux et blogs scientifiques, mais pas forcément pour des raisons scientifiques. Si vous vous en souvenez, cette étude avait fait la une de la revue Nature, ce qui est très bien pour leurs auteurs. Mais ce qui a déclenché ce gros buzz à l'époque, c'est que le nom du premier auteur de l'article était celui d'un gamin de 15 ans, le fils de l'astronome étant à l'origine de cette recherche avec toute une équipe d'astrophysiciens internationaux. Et le dit gamin, ayant fait un petit stage de découverte de troisième à l'observatoire où travaille son père, avait été opportunément propulsé en premier auteur de l'article. Les médias criant alors tous au génie qui défie Einstein. Bon. Eh bien, aujourd'hui, on remet ça. Il se trouve que cette toute nouvelle étude qui prend la suite de cette dernière a également été publiée dans le fameux Nature et que son premier auteur est à nouveau ce gamin qui affirme travailler pour Défense de Rire, le lycée international de Strasbourg. Très connu dans le monde de l'astrophysique, comme chacun le sait. Bon, évidemment, son bon papa, astronome à l'observatoire de Strasbourg, est le deuxième auteur dans la liste. Et ne s'y trompons pas, probablement le véritable premier auteur. Bon, venons-en à la science, car c'est ce qui est intéressant ici, hein, finalement. L'étude de janvier 2013 avait montré que les galaxies naines, associées à la grosse galaxie M31, gravitaient autour d'elles dans le même plan, ce qui est totalement incompris, puisque d'après ce que l'on croit savoir sur les galaxies satellites doivent tourner autour de leur galaxie géante n'importe comment, sans direction privilégiée. Et il se trouve qu'on avait également quelques indices montrant que les galaxies naines situées autour de notre galaxie semblaient elles aussi alignées dans un même plan. Les astronomes français et australiens ont donc voulu savoir si on pouvait observer le même phénomène sur d'autres galaxies plus lointaines. Ils se sont donc plongés dans une vaste base de données de galaxies, le Sloan Digital Sky Survey, pour en extraire les données de décalage spectral des galaxies naines satellites de plusieurs centaines de grandes galaxies. Il montre qu'il existe effectivement un effet systématique. En regardant des galaxies naines diamétralement opposées autour d'une galaxie géante donnée, il montre qu'elles ont des vitesses anticorrélées. L'une va dans une direction et l'autre dans la direction opposée. Et lorsqu'on observe la distribution spatiale d'autres galaxies naines plus éloignées du centre galactique, elle se retrouve avec une forte probabilité dans un plan défini par l'axe joignant la paire de galaxies naines qui sont anticorrélées. Les galaxies naines semblent donc tourner systématiquement autour des grosses galaxies dans un même plan. Cette confirmation va poser quelques soucis, hein, aux astrophysiciens qui vont devoir revoir pas mal de leurs modèles concernant les galaxies. Un truc cloche, mais quoi? Matière noire? Gravitation? Modèle de formation des galaxies? Nature des galaxies naines? Un peu tout ça en même temps? C'est avec des nouvelles observations incomprises que l'astrophysique avance. En ce sens, cet article est une très bonne nouvelle, même si le prénom qui sera cité en parlant de cette étude n'est sans doute pas vraiment l'auteur principal de ce travail. Cet article donc est paru dans Nature, publié en ligne le 20 juillet et probablement sortira dans la version papier très bientôt. Il s'appelle Velocity Anticorrelation of Diametrically Opposed Galaxy Satellites in the Low Redshift Universe.